Bonjour, monsieur Bardet. Qu'est-ce qui ne va pas ? Bonjour, docteur. J'ai mal à la gorge et je suis enrhumé. Ah, est-ce que vous avez de la fièvre ? Oui, j'ai 38,7. Est-ce que vous toussez ? Non. Voici votre ordonnance pour les médicaments.